Chapitre 19e. Le capitaine Thorne à West Lyne. Barbara, quel beau jour. C'est un jour magnifique, en vérité, ma mère. Je crois qu'une promenade ne pourrait que me faire du bien. Assurément, ma mère. Si vous sortiez davantage, vous vous en trouveriez mieux. Votre père est au jardin. Demandez-lui si cela lui convient. Barbara partit comme un trait. Le juge de Père était dans son jardin d'agrément, signalant d'un air impérieux à son domestique Benjamin quelque chose où l'on n'avait pas ponctuellement obéi à ses ordres. Benjamin remplissait les fonctions de cocher et de groom, et dans ses moments perdus, celles de jardinier. Il était marié, couchait chez lui, mais mangeait à la maison du juge où il venait de bonne heure et qu'il quittait tard. « Mon père, » fit Barbara en l'abordant. « Que voulez-vous ? » dit le juge en se retournant d'un air majestueux. « Ma mère croit qu'une promenade lui ferait du bien. Il fait si beau. Pouvons-nous prendre la voiture ?» Le juge fit une pause avant de répondre et regarda le ciel. « Où veut-elle aller ?»« Mon père, nous voudrions faire quelques emplettes, mais seulement à West Lyne, » s'empressa d'ajouter Barbara, qui voyait un nuage voiler le front paternel. « Nous n'irons pas à Lyneborough. »« Et votre mère compte que je vais la conduire ?»« Je voudrais d'abord que les boutiques fussent au... » La dernière fois, votre mère et vous m'avez fait attendre 1 heure et 30 minutes. Mais mon père, Benjamin peut nous conduire. C'est bon, fit le juge impatienté. Allez, et surtout, ne dépensez pas trop d'argent. La voiture attelée, la livrée endossée, Benjamin partit de la cour des écuries et vint se placer devant la grille de la maison. Quand madame Hare et sa fille descendirent par le sentier, M. Hare se trouvait encore dans le jardin. Merci, Richard, lui dit-elle en passant, avec un sourire plein de grâce et d'affection. « Ayez soin d'être de retour à l'heure du dîner, » lui répondit l'aimable juge. La voiture, c'était ce qu'on appelait alors un phaéton, était d'une espèce d'antiquité comme on en conserve tant en province. Il y avait devant une loge étroite pour le cocher, et derrière se trouvait une large banquette abritée en cas de besoin d'une capote. Comme la voiture était à 1 ou 2 timons, à volonté, on pouvait atteler 1 ou 2 chevaux. Mais il était très rare qu'on en employât 2, à moins d'une excursion lointaine. C'étaient des chevaux de trait, à la queue noire et longue. On s'en servait à tour de rôle. Car il n'y avait chez le juge que ces 2 animaux, plus un cheval de selle, pour son usage particulier. Le cocher se plaça sur son siège et conduisit Barbara et Madame Hare au lieu de leur destination, chez le marchand de nouveautés. C'était une excellente boutique située un peu plus loin que le bureau de M. Carlyle. Madame Hare, après y être descendue, s'aperçut qu'elle n'avait pas son sac. « Il faut que je l'ai laissé dans la voiture, Barbara. Allez me le chercher, mon enfant. L'échantillon pour cette soie s'y trouve. » Barbara sortit. Le phaéton, Benjamin, le vieux cheval au poil lisse, attendait d'un air de somnolente sympathie. Barbara, ne pouvant trouver le sac, fit appel au cocher. « Benjamin, pouvez-vous trouver le sac de ma mère ? Il doit être dans la voiture. » Benjamin quitta son siège et se mit à chercher. Barbara attendait, promenant dans la rue des regards indifférents. Le soleil brillait de toute sa splendeur et ses rayons tombaient sur l'énorme chaîne d'or d'un gentleman qui flânait sur le trottoir. Il brillait aussi sur l'or et l'émail de ses boutons de chemise et les faisait étinceler. Tout à coup, il leva sa main nue, une main blanche, pour caresser sa moustache. Le diamant de sa bague lança véritablement des feux éblouissants. Malgré elle, Barbara se rappela le signalement que son frère Richard lui avait donné de certains brillants qu'un autre portait. Elle suivit sa marche des yeux. C'était un bel homme de 27 à 28 ans, grand, svelte et bien fait, aux cheveux et aux yeux noirs. L'expression de sa physionomie était très agréable. Sa main gauche portait un gant nuance paille, et il balançait de cette main son autre gant, paraissant absorbé dans une profonde réflexion. Sans le grand éclat du soleil, Barbara n'aurait sans doute pas remarqué ses bijoux, ni rattaché à ceux qu'elle voyait le souvenir de ceux de l'affaire mystérieuse. « Hola, Thorne, est-ce vous ? Venez donc par ici !» C'était Otway Bethel qui disait ces mots. Il se trouvait de l'autre côté de la route. Il s'adressait au gentleman au brillant bijou, lequel semblait plongé dans une sombre rêverie et ne l'entendit pas. Bethel l'appela une seconde fois et plus haut. « Capitaine Thorne ?» Cette fois, il l'entendit. Le capitaine Thorne lui fit un signe de tête et traversa la rue. Barbara tremblait de la tête aux pieds. Son esprit, son imagination flottaient dans le vague et la confusion. « Voici le sac, mademoiselle. Il s'était embarrassé dans les plis de la couverture de voyage. Benjamin le lui tendait, mais il n'y prenait pas garde. Elle ne voyait plus qu'un seul des objets extérieurs. C'était l'assassin véritable de Hallie John. Elle n'en pouvait douter. Il répondait en tout au signalement qu'avait donné Richard. Les joues de Barbara pâlirent, son cœur défaillit. « Voici le sac, mademoiselle. » Barbara s'élança loin de la voiture, laissant là Benjamin et le sac. Elle venait d'apercevoir le chirurgien Wainwright à quelques pas et courait à lui. « Monsieur Wainwright, » dit-elle trop agitée pour penser aux cérémonies, « voyez-vous le monsieur qui parle à Otto et Bethel, le connaissez-vous ?» Le chirurgien, avant de répondre, mit ses lunettes à cheval sur son nez. Il avait la vue courte. « Ce monsieur-là ? Oh, c'est un capitaine Thorne. Il est, je crois, en visite chez les Herbert. D'où vient-il ? Où demeure-t-il ? » dit Barbara avec précipitation. « Je ne sais rien de lui. Je l'ai vu ce matin avec le jeune Smith. Il m'a dit être l'ami des Herbert. Mais vous avez l'air souffrant, mademoiselle. » Elle ne réplique qu'un point. Le capitaine Thorne et M. Bethel descendirent la rue. Ce dernier la salua, mais il était trop troublé pour songer à rendre le salut. Alors M. Wainwright lui souhaita le bonjour et Barbara revint à pas lents. Sa mère se tenait sur le seuil de la boutique. « Que vous avez été longtemps, ma chère? Est-ce que vous n'avez pas retrouvé le sac ?»« Je suis allé parler à M. Wainwright, » répondit Barbara, prenant machinalement le sac des mains de Benjamin pour le passer à sa mère. Ses yeux, son âme, suivaient, fascinés, un seul être qui s'éloignait maintenant. « Vous êtes pâle, mon enfant. Êtes-vous indisposé ?»« Oh, pas le moins du monde. Terminons nos emplettes, ma mère. » Elles reprirent leur place près du comptoir, la jeune fille pressée d'en finir et de retourner à la maison. « Mais qu'avez-vous donc, Barbara ?»« Je crois que je suis fatiguée, » fit la jeune fille, inattentive et de plus en plus préoccupée. Elles retournèrent à la maison. Barbara crut que ce qu'elle avait de mieux à faire, c'était d'informer Carlyle de toutes ces circonstances. Mais comment s'y prendre pour le voir ? Elle pensa qu'il fallait aller à Eastline le soir même. Mais quel prétexte donner à ses parents ? Elle y songeait en descendant dîner. Pendant le repas, Madame Hare se mit à causer de l'étoffe qu'elle avait achetée pour se faire un manteau. Elle le voulait pareil à celui de Madame Carlyle. Quand cette dernière était venue l'autre jour en renseignement sur Wilson, elle lui avait offert de lui donner le patron. Et on devait envoyer un domestique le chercher après dîner. « Oh, ma mère, permettez-moi d'y aller, » dit vivement Barbara. Il y avait dans ses paroles tant de véhémence que le juge, alors en train de découper, s'arrêta et lui demanda gravement ce qu'elle avait. Barbara fit je ne sais quelle timide excuse. « Son empressement est bien naturel, Richard, » dit en souriant Madame Hare. « Barbara compte voir le petit nouveau-né, voilà le secret. Toutes les jeunes filles aiment les enfants. » Barbara rougit à outrance, mais sans contredire sa mère. On laissa Barbara aller à Eastline. Elle y arrivait comme on finissait de dîner. Elle demanda à Mademoiselle Carlyle. « Elle est sortie, mademoiselle. Elle passera la journée dehors et Milady n'est pas encore visible. » C'était un échec. Il lui fallut bien dire qu'elle désirait parler à Carlyle. Pierre l'introduisit dans le salon et Carlyle vint l'y recevoir. « Je suis désolé de vous déranger, de vous avoir fait demander. » Et en disant ces mots, les joues de Barbara étaient brûlantes, car, sans savoir pourquoi, il revenait à l'esprit certaines entrevues nocturnes un an auparavant. Ce souvenir la contrariait. Jamais, depuis cette soirée si agitée, elle n'avait laissé Carlyle soupçonner son émotion. Elle avait toujours été calme, polie, indifférente. Elle l'appelait maintenant plutôt M. Carlyle qu'Archibald de tout court. « Prenez un siège, Barbara, asseyez-vous. » « J'ai demandé Mademoiselle Carlyle parce que ma mère a besoin d'un patron qu'elle a promis de nous prêter. Mais c'est vous, en réalité, que j'avais besoin de voir. Vous rappelez-vous le lieutenant Thorne que Richard nous disait être le vrai coupable ?»« Oui. Je crois qu'il est à Westline. » Carlyle parut vivement intéressé. « Quoi ? Ce même Thorne ? Ce ne peut pas en être un autre. Ma mère et moi, nous étions aujourd'hui à faire des emplettes et j'étais allé chercher son sac qu'elle avait oublié dans la voiture. » Benjamin le cherchait. Pendant ce temps-là, je vis un étranger qui montait la rue. C'était un homme grand, de bonne mine, brun, portant une chaîne et des boutons d'or remarquables. Une idée me vint comme un éclair. Mais voilà le signalement exact que Richard nous faisait de Thorne. À cet instant, quelqu'un l'appelle de l'autre côté de la rue. C'était Otto Bethel et l'appelait Capitaine Thorne. Voilà qui est curieux, en vérité, Barbara. J'aperçus M. Wainwright et je lui demandai qui c'était. Il me dit que c'était un capitaine Thorne, ami de Herbert. Un lieutenant peut bien devenir un capitaine au bout de 4 ou 5 ans. Carlyle fit un signe approbatif et il eut une pause. « Et qu'y a-t-il à faire ?» demanda Barbara. Carlyle se passait une main sur le front. C'était son habitude quand il était préoccupé d'une pensée. « Je ne vois pas aisément ce qu'il y aurait à faire, Barbara. Assurément, le signal que vous me donnez là cadre avec celui tracé par votre frère. Avait-il l'air comme il faut ?»« Tout à fait comme il faut. » »« Il faut naturellement commencer par s'assurer que c'est bien le même homme, » conclut Carlyle. « Certains de ce point-là, nous verrons alors ce qu'il reste à faire. Je vais recueillir des renseignements, et je vous en ferai part, Barbara. » Elle se leva. Carlyle l'accompagna, et ils descendirent ensemble l'allée du parc, sans se douter le moins du monde que Lady Isabelle, de sa fenêtre, les suivait d'un œil jaloux. Il conduisit Barbara jusqu'à la grille du parc, lui serra la main et lui souhaita le bonsoir. À peine était-elle partie que Carlyle vit venir, dans une direction opposée, deux messieurs dans un desquels il reconnut Tom Herbert et dans l'autre, si l'instinct ne le trompait pas, le capitaine Thorne. Il attendit qu'il se fût approché. Voilà qui s'appelle avoir de la chance. Vous trouvez à votre porte. C'est Herbert qui s'exprimait ainsi. Capitaine Thorne, reprit-il, en se tournant vers son compagnon, je vous présente Monsieur Carlyle. Carlyle les invita à entrer et commanda des rafraîchissements. Le jeune Herbert se jeta, sans cérémonie, dans un fauteuil et alluma un cigare. Est-ce que vous connaissez ce pays-ci ? Demanda l'avoué en s'adressant au capitaine. Thorne sourit. Je ne suis à West Lynne que d'hier. Alors vous n'y êtes jamais venu auparavant ? Continua Carlyle, qui regardait la réponse comme évasive. Non, jamais. Lui et mon frère John, voyez-vous, sont du même régiment, dit Herbert, l'interrompant sans cérémonie. John l'a invité à venir pêcher. Thorne se le tient pour dit et arrive, mais sans s'annoncer, vous savez. John, ne comptant plus sur lui, part pour quelque expédition en Irlande, Dieu sait où. Le diable s'est mêlé de tout cela. La pêche devint le sujet de la conversation et dans la chaleur de la discussion, l'étranger mentionna un certain étang fameux pour les anguilles. L'étang bas. Carlyle, l'œil fixé sur lui, mais parlant d'un air indifférent, lui demanda. Lequel des deux voulez-vous dire? Nous avons deux étangs assez voisins et qui portent le même nom. Je veux parler de celui qui se trouve dans une propriété à environ 3 000 d'ici, sur les terres de M. Thorpe, si je ne me trompe. Carlyle sourit. Alors je crois, capitaine Thorne, que ce n'est pas la première fois que vous venez dans ces barrages. M. Thorpe est mort et son gendre, qui est devenu le propriétaire à sa place, a fait combler l'étang il y a 3 ans. Oui, je l'ai entendu dire un ami, continua Thorne d'un air indifférent, mais comme un homme qui voudrait en rester là. Carlyle peu à peu tourna la conversation sur Swainson. C'était le lieu d'où le capitaine Thorne et Richard venaient probablement. Le capitaine Thorne, présent, dit qu'il connaissait un peu l'endroit, qu'il y avait fait un très court séjour. Carlyle trouvait les soupçons de Barbara assez bien fondés. Il était certain que les deux signalements s'accordaient dans les moindres détails, autant qu'il en pouvait juger. Carlyle trouva une excuse pour quitter la chambre un instant, et il courut trouver Joyce. « Joyce, s'écria-t-il, entré dans la chambre tout à l'heure, sous un prétexte quelconque, apporter une chose ou une autre. Je désire que vous regardiez l'étranger qui accompagne le jeune Herbert. Examine-le bien. Je pense que vous l'avez déjà vu. » Carlyle rentra, laissant Joyce étonnée. Cependant, elle ne tarda pas à le suivre, une carafe à la main. Elle resta quelques minutes, faisant semblant de mettre en ordre différents objets sur la table. Quand les deux visiteurs furent partis, Carlyle, avant de monter chez sa femme, appela Joyce. « Eh bien, l'avez-vous reconnu ?»« Pas du tout, monsieur. Il me semble tout à fait étranger. »« Songez un peu, Joyce, au temps passé. »« Quoi, vous ne l'avez jamais vu autrefois ?» Joyce parut intriguée, mais elle répondit encore « Non ?» Ne pensez-vous pas que ce soit l'homme qui allait voir Affy ? Le rouge monta jusqu'aux yeux de Joyce. Oh, monsieur, c'est le même nom, Thorne. C'est peut-être le même homme, dit Carlyle. Monsieur, je n'ai jamais vu qu'une seule fois le lieutenant Thorne, et je ne sais. Elle parlait lentement et en réfléchissant. Je ne sais si je pourrais le reconnaître. Je ne pensais pas à lui en regardant ce monsieur, mais en tout cas, rien dans sa physionomie ne m'a rappelé quelqu'un de connaissance. Ainsi Joyce ne fournit à Carlyle aucun renseignement d'aucun genre. Le lendemain, il chercha Otway Bethel. « Est-ce que vous êtes intime avec ce capitaine Thorne qui se trouve chez le Herbert ?»« Oui, » répondit Bethel d'un air plaisant. « S'il suffit de 2 heures passées ensemble pour être intime, voilà tout ce que je sais de Thorne. Vous en êtes bien sûr ?»« Bien sûr. Parbleu, voulez-vous en venir ?»« Voyons, Bethel, dit Carlyle en venant en fête. Est-ce le même Thorne que celui qui faisait la cour à Fir Hallijohn? Bethel resta muet un instant. L'infernal mensonge, dit-il enfin, parbleu, ce n'est pas plus ce Thorne-là que... Mais quel Thorne? Dit-il en s'interrompant brusquement. Pas d'équivoque, Bethel. Je vous parle de Thorne qui a trempé, dit-on, dans l'affaire d'Hallijohn. Est-ce le même homme? Carlyle, vous n'y pensez pas. Vous, que j'ai toujours vu si sage et si... balbutiait Bethel d'un air hagard. Je vous ai déjà dit que je n'ai jamais eu connaissance qu'un nommé Thorne eût trempé dans l'affaire Duffy, et je voudrais bien savoir pourquoi on ne s'en rapporte pas à ma parole. Bethel quitta Carlyle, et ce dernier le suivit des yeux, repassant lui-même quelques-unes de ses paroles. En entendant nommer Thorne, celui dont parlait Richard Hare, il semblait que Bethel éprouvât je ne sais quel sentiment douloureux qui irritait son âme. Carlyle se souvint qu'il en avait déjà été de même une première fois, et pourtant Bethel avait en général un caractère fort doux. Son caractère valait beaucoup mieux que ses principes. Il y avait donc dans cette affaire quelque chose de caché, de mystérieux. Carlyle n'en pouvait douter. Mais son entrevue avec Bethel n'avançait nullement la solution du problème qu'il cherchait à résoudre. Savoir, les deux Thorne n'en font-ils qu'un? En retournant à son bureau, il rencontra Tom Herbert. Il l'arrêta pour lui demander « Le capitaine Thorne doit-il rester longtemps chez vous ?»« Thorne est reparti. Je viens de le conduire au chemin de fer. » En revenant dîner chez lui, ce soir-là, Carlyle entra chez les Hare sous prétexte de parler à madame. Barbara, dans les transes de l'impatience, le reconduisit à son départ et descendit l'allée avec lui. « Qu'avez-vous appris ?» lui demanda-t-elle avec curiosité. « Rien de satisfaisant. Notre homme vient de déguerpir. Il est reparti. » Carlyle lui raconta comment ils étaient venus chez lui la veille au soir, après le départ de Barbara. Sa rencontre avec Herbert ce jour-là. Il n'oublia pas son entretien avec Bethel. « Se serait-il en allé exprès dans la crainte des conséquences ?» fit Barbara étonnée. « Je ne le pense pas. Autrement, il ne serait pas venu du tout. Avez-vous bien veillé à ne rien lui révéler hier soir qui pût lui faire craindre qu'on le soupçonne ?»« Rassurez-vous, Barbara, vous ne feriez pas un bon diplomate. Savez-vous qui et ce qu'il est ?»« Officier au service de Sa Majesté, dans le régiment de Herbert. Je n'en ai pas demandé davantage. Tom prétend qu'il est de bonne famille, mais je ne puis m'empêcher de le soupçonner d'être l'homme en question. Y a-t-il encore quelque chose à faire ?» « Rien pour le moment, répliqua Carlyle. Nous ne pouvons qu'attendre. »« Oui, toujours attendre, » murmura la malheureuse jeune fille. « Toujours attendre et toujours souffrir, attendre encore des années, toujours peut-être. Et pendant ce temps-là, mon frère, eut séjour dans l'exil et la misère. »